La session du secrétariat de la Fédération internationale des femmes démocrates, tenue du 19 au 20 juin à Rome, Italie, a témoigné du soutien à la juste cause du peuple coréen. Dans son rapport prononcé au séminaire régional, Lorena Peña, présidente de cette fédération, a dit que la cause fondamentale de la détérioration de la situation dans la péninsule coréenne réside à la campagne de sanctions et à la pression militaire permanente des États-Unis contre la Corée, et que les organisations de la fédération doivent témoigner de la solidarité à la lutte des Coréens. La déclaration de solidarité adoptée à cette réunion note entre autres. Les États-Unis doivent savoir correctement que leur machination d'isolement et de suppression pousse davantage la Corée au renforcement de ses forces armées autodéfensives et cesser les manœuvres militaires conjointes qu'ils livrent chaque année en Corée du Sud et retirer immédiatement leurs forces agressives. La réunion a fixé diverses occasions telles que la Journée internationale des femmes 8 mars, le 1er mai et la Journée internationale des enfants 1er juin et encore le 27 juillet, jour de la grande victoire de la Corée dans la guerre, comme journée de solidarité pour organiser des cérémonies variées.